m'en aller, loin de ce monde de sauvage. J'envoie le gilet de sauvetage parce qu'ici les rêves tombent à l'eau. Ta piste est la vie dingue, je pars au taf malgré. Veillé, je rentre fatigué, je rêve du grand air comme Balrou. Ici c'est friqué le boulot, faut vivre à vitesse grand V. V'là la vie en ville, y'a de quoi péter un boulon. Ici je me sens pas en vie, j'ai plein d'autres choses en vue. Envie de prendre du bon temps, mais ici pas le temps d'avoir envie. Je rêve de voyage, un bol d'air dans mes bagages. Ici c'est retournage de crâne, entre pub et packaging. Un monde pré-emballé, une course au billet où tout est à vendre, même le bonheur. Je chante la France t'a grillé, liberté, égalité, fraternité, cupidon. J'en ai marre de perdre mon temps et de me faire mener en bateau. Faut que je fasse mes bagages, putain, je veux pas être un pantin. Je rêve pas course au butin, routine matérielle et béton. Ici aucune solidarité, tout le monde est en rivalité. Pour monter dans la société, les gens sont prêts à te piétiner. L'égoïsme est devenu banalité, plus de valeur, plus de moralité. M'accroche à la réalité, le reste n'est qu'une formalité. Philosophie de vie hors norme, mais tout le monde trouve ça normal. Conditionné depuis mom à système pourri jusqu'à la moelle. Ici c'est de pire en pire, tout le monde veut sa part. Putain, faut que je me barre, loin des costards et des codes barres. Tout comme ma génération, moi aussi j'en ai assez de fermer ma gueule, d'être assis. Moi aussi j'ai envie de tracer une génération pernée depuis tout jeune. Hors ton âge de crâne, les yeux cernés par la Marie-Jeanne. Génération de prisonniers d'un système qui nous a pigeonné. Ici je me sens enchaîné, ici je me sens pas chez moi. Génération qui est pas chamée, c'est juste on a la rage. La tête dans les nuages, je passe ces journées à rêver. Elle tourne par rond la terre, mais je rêve d'en faire un tour. Nouveaux horizons, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Je rêve de quitter la France, les barrières, je vais les sauter. Marre du taf, me lever si tôt, ma vie, je veux en profiter. Chaque jour, chaque année, je veux pas d'une vie bidon. Ici, je veux pas être l'âne, ni la carotte, ni le bâton. Je rêve de verre pâture, mais ici, c'est le béton. Ici, voyage au pédo, au bon son et à l'écriture. Je peux plus garder les silences, je pense trop, j'arrive plus à pioncer. Je ramène pas ma science, chante ma vérité sur base. Ouvre grand tes oreilles, et j'ouvrirai tes yeux sur ce qui se passe sous ton nez. Ici, c'est engrenage et servicieux, mais tu le sais. Ce que je vis, tu le vis aussi. Les fiches de paye en baisse et le prix de la vie en hausse. Ici, ça varie ses vices. Tout le monde vit reclus sur eux-mêmes. Les gens reculent et le pire, c'est qu'ils croient qu'ils avancent. Je veux pas de cette vie, de cet enfer. Je retournerai pas ma veste. Le monde est vaste et ailleurs y'en a tellement à voir. Je veux m'enfuir de la routine, de la ville. Le bonheur, il est pas où on vit. Je veux prendre la route de la vie, tout seul ou avec mes frères. Il faut que je me barre, car les sourires sont rares dans ce monde où on fait courir. Ma vie, elle est pas ici. Je rêve de nouveaux paysages, prendre de l'âge, les pieds en éventail sur une plage. Je veux quitter la monotonie, le bise, le taf, tu connais. Je rêve de terre inconnue et dire au boss, je prends 10 ans de congé. Envie de bouger parce que j'ai la rage et ici je vois rouge. Je me sens enfermé en cage et c'est pas demain que ça va changer.